marchons sans brime et notre chant résonne. Nous frappons sans crime et notre cœur explose. Les lunes nous regardent, les ondes nous suivent. Le SAF se soulève et nos voix l'ouvrant. De Riders qui lèvent la main, personne ne parle, mais tous entendent le battement de la guerre. Fremen, unis dans la poussière. Fremen, liés par le serment. Chant de la tempête. Tu respires encore, alors tu peux frapper. Tu tiens debout, alors tu peux crier. Tu crois que le désert pardonne. Il se souvient de chaque pas, de chaque chute, de chaque traître. Ce soir, il rugira avec nous. Ce soir, les vers danseront. Ce soir, nos voix le réveilleront. Et il se tournera vers l'ennemi. Fire. Les champs brûlent comme le soleil et rien ne peut les éteindre. Chaque nom qu'on perd s'ajoute à notre cri. Chaque chute qu'on voit nous pousse à nous lever. Raiders qui chantent avec les morts. Raiders qui crient pour les absents. Raiders qui frappent le sol. Et le sable répond. Pas de devise, juste le sang, juste la voix. Nous chantons pour ne pas oublier. Nous chantons pour ne pas trembler. Nous chantons pour résister. Et nous chantons pour briser. Tu veux savoir qui nous sommes? Écoute, ce n'est pas une armée. C'est une mémoire en marche. Pont brisé, poing levé, souffle court, regard sec. Le moment vient et nous l'avons préparé. Encore une frappe, hey. Et la dune s'écroule, hey. Vraiment ensemble, hey. Vraiment debout, vraiment jusqu'au bout. Raiders qui nous guide, rugit, voix sacrée, rugit jusqu'à les faire fuir, rugit jusqu'à fissurer leurs murs, rugit jusqu'à ce qu'il ne reste que nous. Et quand le silence reviendra, nous saurons que ce chant était plus fort que la mort.